Le supramental, ça se décide pas. Au sens que ça viendra jamais d'un processus décisionnel lié à l'intellect ou psychologique. Le supramental, c'est comme un canal. Ça peut pas être construit dans le mental. Vous pouvez pas, par l'intellect ou par une décision liée à un processus décisionnel psychologique, décider d'avoir accès à ça. C'est des affaires qui se décident pas parce que le canal y est bâti à partir des affaires du mental, pas du mental. C'est-à-dire que c'est la partie du mental où il n'y en a pas de réflexion. La lumière qui passe direct, ça ne peut pas être réfléchi. Donc, la fistule qui fait que la lumière descend n'est pas construite dans le mental. Elle est bâtie en périphérie dans les affaires du mental. Comme de. Autour de la lentille, ça passera jamais directement tout de suite. Une lentille qui va être grugée de l'extérieur vers le centre. Alors, au sens où, si à un moment donné, vous êtes juste dans du réceptif, puis vous percevez des choses que vous n'avez pas à réfléchir, ben ça va au niveau de l'ego psychologique, la personnalité mécanique qui s'est construite de façon circonstancielle, ben ça va venir épurer, ça va venir brûler, ce qu'on appelle brûler de l'ego. Mais la minute où on entre dans les affaires du mental, puis tout d'un coup il y a un contact avec de l'intelligence réelle, au début il peut pas faire autrement que d'engendrer, ça peut pas faire autrement que d'engendrer une lutte entre l'ego psychologique puis le moi réel qui est en construction. Devenir tout d'un coup intelligent quand on n'est pas habitué à ça fait créer des chocs parce qu'on se rend compte qu'on n'a jamais été intelligent de notre vie. C'est pour ça qu'au début, qu'est-ce que ça fait? La fistule, la lumière qui descend par la fistule puis qui atterrit sur l'opacité de l'ego, ben ça fait mal. Se voir comme on est, ça fait mal, psychologiquement. Puis c'est à partir de cette souffrance qui est méta-expérimentale un peu déjà. C'est à partir de cette souffrance-là que justement le psychologique il se déconstruit. Ce qu'on appelle la déconstruction de la subjectivité dans l'ego, c'est-à-dire l'épuration du mental. C'est comme si l'ego, lui, il est à mi-chemin sur les assises de la programmation animique planétaire. Il est à mi-chemin, il est entre l'arbre et l'écorce, il est entre ça, il est assis sur ça, puis au-dessus de lui, il y a le mental, la réflexion, l'intellect, le psychologique qui se construit. Mais ce qui s'est construit inconsciemment, ben, ça fait comme de l'opacité qui vient obstruer la lentille. Mais ça vient d'en haut, l'intellect, il est quand même en haut de la programmation animique planétaire de base, comme les forces animaliennes, l'animalité. C'est normal qu'il y ait des chocs entre ces structures-là. À mesure qu'il y a une épuration du mental, ben la lumière, ça passe, puis ça vient brûler de plus en plus la lentille, l'ego entoure, puis de plus en plus, il va pouvoir y avoir possibilité d'une personnalité réelle, si on peut dire, entre guillemets, c'est-à-dire une identité réelle, qui n'est pas basée sur du psychologique puis de l'émotionnel, mais uniquement sur de la conscience, qui va peu à peu se construire, prendre ses assises, il va y avoir développement d'un centre. Ça n'a pas le choix de venir de l'extérieur de l'intellect. C'est pour ça que ça ne se décide pas des affaires de même. C'est en partie, si on peut dire, ça fait partie du méta-expérimental. Parce que là, on tombe dans des affaires que c'est bien spécial. Parce que, dépendamment si l'individu est réceptif ou pas, ben, il peut se mettre à briser de la programmation. C'est-à-dire que même de l'intelligence qui voyage dans le temps puis dans l'espace, ça peut pas être sûr du destin de quelqu'un à partir de ce moment-là. Même, c'est même plus du destin, c'est plus de la programmation. Une conscience réelle, c'est créatif. Ça prend pas un processus décisionnel, ça prend pas des décisions selon le processus décisionnel réflectif de l'intellect. Ça voit directement. Puis ça donne une direction à l'énergie. C'est ça que ça fait une conscience réelle, une identité. ce qui est bâti à partir de la conscience, de l'observation, puis le chemin qui s'est créé à travers la subjectivité qui est en train de se déconstruire. Ça, c'est complètement différent. C'est entrer dans une créativité, puis là, il y a de l'inattendu. Même pour de l'intelligence qui voyagerait dans le temps comme dans l'espace, il va y avoir des fois, si on peut dire, des bifurcations, de l'inattendu. Et une conscience créative, ça transcende le temps. Pourquoi de la programmation ne serait pas détruite? Tant que ça va être simplement, tant que la pensée est simplement perçue, puis qu'elle n'est pas vue en tant que pensée, elle est pensée au lieu d'être observée en tant que pensée, tant que ça, c'est là, c'est une identité psychologique, mais dès qu'il y a une métaconscience, c'est-à-dire une observation de sa propre conscience, qu'on se voit de l'extérieur de l'ego, puis qu'on se met à observer à partir de ce qu'on pourrait appeler un surmental, ben là, tout commence. Une conscience créative, une identité réelle, c'est créatif, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas selon les désirs de l'ego, ça fonctionne selon une volonté. Une volonté, c'est-à-dire voir, puis donner une direction à l'énergie. Puis ça va de soi. Il n'y a pas besoin de prendre de décision. Ce qu'il y a de plus intelligent à faire est vu immédiatement. Plus besoin de réfléchir à ce niveau-là. Plus on est lucide, moins on a à réfléchir. Plus on est conscient de ce qui se passe, moins on se pose de questions. La créativité réelle, ça peut être fluctuant. Des fois, ça vient, des fois, ça part. Au niveau d'une mécanique évolutionnaire, si on peut dire, l'important, c'est que les périodes où ça part doivent se raccourcir, tandis que les périodes où ça vient se rallongent tranquillement. C'est ce qu'on pourrait appeler de la transmutation. Mais il est normal, au début, d'être plus souvent dans le décisionnel psychologique que dans le créatif réel. Il faut prendre le corps de désir qui est entre autres assis sur les construits avec l'animalité un peu, le corps de désir tranquillement le transmuter en corps de volonté. Sortir des lois planétaires polarisées, c'est-à-dire le pouvoir, la lutte, puis entrer en puissance. Le fait qu'on est confronté, par exemple, à de la vie dure, ben quelqu'un de psychologique, ça va le détruire. Tranquillement, l'énergie va se perdre. Mais quelqu'un de créatif, plus c'est dur, plus il va être fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix. Puis s'il est sorti de l'illusion du libre arbitre psychologique, il sait qu'il n'y a pas le choix. Donc, il fait avec, il est créatif. Être créatif, c'est faire avec. On ne peut pas être créatif à partir de rien. Quand on donne une direction à l'énergie, il faut qu'elle parte de quelque part. Sinon, il y a où la direction? C'est l'assimilation tranquillement des lois de circulation de l'énergie dans le structurel subtil des états du mental. Là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est descendu, puis qui commence à être intégré, mais ça peut pas venir de l'ego psychologique. C'est pour ça que des affaires de même, ça se décide pas. Ça se subit même, on pourrait dire un peu. Mais c'est de moins en moins. Il faut que ce soit de moins en moins. Tant qu'on retourne dans l'expérimental, on est soumis à des programmations, puis là, même les autres, même le voisin peut savoir ce qui va vous arriver plus que vous autres. Plus que ça m'est arrivé que des gens qui m'observaient savaient plus que moi ce que j'allais vivre. Parce que j'étais profondément dans la programmation, puis qu'ils voyaient ma programmation, puis moi je ne voyais pas. Mais dès qu'on devient créatif, il n'y a plus personne qui peut prévoir ce que vous allez faire. n'y a plus personne qui peut être sûr de ce que vous allez faire. Si eux autres sont restés dans le psychologique, tout d'un coup, ils n'avaient plus la programmation. C'est sûr qu'on peut observer de la programmation à partir du psychologique. Mais pour voir réellement quelqu'un, il faut avoir accès aux états du mental, c'est-à-dire voir au-delà de ça. Avoir une conscience de c'est quoi de la conscience. Avoir une vue claire de ce qui se passe. Là, c'est complètement différent. Complètement autre chose. Voir quelqu'un, on n'a pas à prévoir où est-ce qu'il va arriver, puis à réfléchir, on le sait. Ça, ça est en dehors de la réflexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'analyse. C'est vu en temps réel, ça saute aux yeux. Avoir une vue claire de même, perçante, ben, ça permet des fois de contourner un petit peu la programmation. Puis là, plus ça arrive, ben là, plus on devient à l'aise. Avec ça, pas à l'aise psychologiquement, on ne sera jamais à l'aise psychologiquement avec rien. Être à l'aise psychologiquement dans la vie, c'est du non-sens. Pour être à l'aise dans la vie, il faut intégrer des lois de la vie. C'est entre autres lié à la compréhension, la vue de la subjectivité du psychologique, donc la capacité d'accepter que c'est comme c'est. Plus on accepte que c'est comme c'est, plus on le voit comme c'est. On n'a plus besoin d'avoir les mécaniques de défense pour nous protéger du réel. L'émotivité, c'est comme de l'énergie. Si elle s'écoule inconsciemment dans toutes sortes de structures liées à de la programmation, ben là, c'est certain qu'on n'intégrera pas aussi rapidement que si l'énergie, on comprend un petit peu comment ça marche, puis cette énergie psychique-là qui devenait de l'émotion, on l'envoie directement dans les états du mental. Le corps, la réelle conscience, c'est un peu un corps qu'on construit dans les états du mental, qui se construit dans les états du mental. Il y a de quoi qui est descendu, qui a frappé la subjectivité psychologique de l'ego, qui fait qu'il y a une métaconscience qui se développe, parce que tout d'un coup, l'ego se voit en lui-même, puis il voit que le psychologique, c'est pas nécessairement de la conscience réelle, que c'est mécanique, que c'est fortuit. Ça rebondit, ça commence à construire un centre dans les éthers, un peu plus haut, au-delà du psychologique. C'est un peu ça de la conscience, une vraie conscience réelle, c'est comme vous construisez dans l'éther, là. Ça va au-delà de la mémoire mécanique. Si ça rebondit au point que vous voyez dans ces structures-là, vous allez pouvoir vous bâtir en quelque sorte, en guillemets, un véhicule dans cet espace-là. Un véhicule, dans le fond, qui ne se déplace pas. Un véhicule qui est un canal pour qu'il y ait plus de lumière qui descende, c'est-à-dire l'intelligence. L'intelligence tout seul, c'est pas conscient, c'est à un niveau ben trop au-delà des lois de la vie. Faut que ça passe à travers une conscience. De l'intelligence tout seul, ça peut pas être conscient. Ça prend de l'individuation. Il en faut de la diffraction à ce niveau-là, mais faut que ça soit une diffraction basée sur le 1. Puis là, il y a un jeu entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. On se rend compte qu'il y a de quoi de fractal par rapport à une trinité aussi dans ce qui est une conscience. Il y a une conscience. Il y a de l'énergie à la base, il y a de l'énergie en bas, il y a la conscience dans le milieu, puis ça rebondit, ça se nourrit, ça s'auto... On la voit, la loi. Le petit univers, le microcosme. Une conscience, c'est un microcosme. De l'intelligence tout seul, ça peut être le macrocosme, mais c'est pas pareil. C'est bien intelligent de l'intelligence, mais il y a juste de la conscience qui est conscient. Pour ça, il a fallu des lentilles. Même s'ils sont construites mécaniquement, densifiées mécaniquement, ben là, c'est en train de maintenant, ça se polie. Va bien falloir atteindre le stade d'après. De toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on est passé de des êtres de nature, des êtres... Est-ce qu'on va passer de la vulgarité de la matière pour être arrivé à plus subtil, c'est-à-dire une projection synthétique de la matière pour pas aller plus loin puis pas remonter plus haut. On crée de l'expérience dans le sens que on crée de la mémoire, on est des structures par où l'énergie rebondit. Ça s'en va tout s'enregistrer plus haut. De la conscience pas apparue pour rien. Une fois que c'est fait, il y a un processus, on est pris là, dans la création, c'est-à-dire un espace-temps. Mais ça s'est pas créé pour rien, la conscience, faut que ça retourne à la source faire son rapport. C'est un peu comme le système se voit lui-même. Pourquoi Dieu contemple la création? Pourquoi c'est écrit ça? Va bien falloir à un moment donné atteindre des points où il n'y en a plus de forme, rien que de l'énergie. Donc toutes ces vieilles affaires-là, on voit à travers la forme, on voit bien. C'est quoi dans le fond le vibratoire? Ça vient tout de la même place. C'est juste, bon, il faut que ça passe à travers des structures, comme des couleurs, des différentes longueurs d'onde. Sinon, il n'y en a pas de langage. Il n'y en a pas d'un. Il faut que l'intelligence, ça se promène. L'information, il faut que ça circule. C'est comme de l'énergie à travers des structures. Comme on disait, intelligentsia. L'intelligentsia, c'est de l'information qui circule. Les lois universelles qui s'expriment à travers différentes couches de densité. Tout le reste, même au niveau de la vie d'un individu, là, qui a l'air de rien, là, il est comme le lapin. Il y a un lapin dans le champ. Ben, cet individu-là, il reste que c'est un microcosme, mais il reflète toutes ces affaires-là. Donc, c'est quoi de la conscience? C'est là où on se voit soi-même. Les choses qui vont de soi, pas les choses qui vont de moi. Pourquoi que on a créé des écoles de psychologie, puis qu'il y a des psychologues, puis c'est l'ultime mystère. L'autre, là, Jung, son histoire de l'homme à la recherche de son âme. Ben oui, mais de la conscience, c'est quelque chose qui est en recherche. L'intellect, c'est en recherche. La conscience, c'est la partie qui trouve. La partie qui voit. Pas la partie qui est en recherche. Plus l'identité, elle va être dense, plus ça va être fort, moins il y a besoin de recherche. On se casse la tête, puis on se fait mal pour rien. Puis, même quand la lumière descend, ça devient comme quelque chose de purulent qui s'écoule à travers une pustule, puis qui nous brûle. Ça brûle les corps fragiles, les corps un peu comme si c'était des moules de cire. À un moment donné, il faut couler le métal en fusion, il faut qu'il y ait quelque chose de plus solide, de plus sophistiqué, non pas au sens où on le comprend, mais disons de plus ergonomique par rapport à ces phénomènes-là. C'est là qu'on tombe dans des. On tombe dans des patterns où ça va tellement au-delà de la forme. C'est des choses tellement difficiles à exprimer qu'il y a juste le vibratoire. Si on fait une analyse intellectuelle, psychologique de ce que je dis là, on verra rien. C'est pas de la forme de ce que je dis qu'il y a quelque chose. C'est dans le fait que je le vois, le quelque chose. Mais le langage culturellement, comme il a été construit, il n'est pas fait pour ça. Ça passe à un autre niveau. Le langage devient autre chose complètement. Il y a un métalangage. Même si je suis là, un ego qui parle, puis je parle avec les mots de ma langue, de mon pays, il reste que au-dessus, il y en a quelque chose dans la terre, puis si on peut dire, c'est comme si mon double, il parlait au vôtre. Pendant que vous m'écoutez, nos doubles, ils jasent ensemble. Mais c'est pas au même niveau que moi en tant qu'ego qui parle. Mais ces affaires-là, ça a un effet. Ça a un effet, on l'a constaté. Jaser pendant 12 heures de temps, des fois, avec d'autres qui voient les mêmes phénomènes. Puis c'est spécial de constater tous les phénomènes qu'on peut constater. Même ça va provoquer des choses. On se rend compte que c'est bien moins fixe qu'on pense, la matière, puis la programmation. Il y a moyen de briser la programmation. Quelqu'un qui réfléchit, il reçoit de la pensée. Quelqu'un qui est créatif, qui n'a plus besoin de réfléchir, qui voit, il émet des pensées. Il émet des pensées. C'est sûr que pour quelqu'un d'inconscient, tout ce qui existe de pensée va toujours venir d'ailleurs. Parce que c'est même quand c'est les autres structures qui sont plus conscientes. Donc, on devient passif. Il y a une différence entre être réceptif, être sensible, puis être passif, se laisser faire. Réfléchir, c'est se laisser faire. Penser, c'est remâcher de l'énergie qui vient de dehors. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transmutation. Mais quelqu'un qui est créatif, il émet de la pensée. On est là à s'identifier à ce qui nous passe par la tête parce qu'on est psychologique encore. Mais une identité réelle, ça s'identifie pas. Ça reçoit pas des pensées, ça n'en émet. Il y a une vue. C'est là qu'il y a une réverbération. Une réverbération. C'est quoi entrer dans le réel? C'est percevoir. Regardez le mot percevoir. La perception, élargir la perception. Plus on voit clair, moins on a à réfléchir, de la pensée, parce qu'on se rend compte qu'elle ne vient pas de nous. Ben, cette conscience-là, cette vue-là, c'est déjà émettre une pensée. Émettre une pensée. Vous ne pouvez pas observer ce qui est reçu à partir d'autre chose qu'un point d'émission. Parce que c'est pas dans la pensée qu'on va découvrir le mystère de la pensée. La vue, c'est quelque chose qui sort, un peu comme une fenêtre qui s'ouvre. Tandis que la programmation, le conditionnement, c'est comme du structurel, des murs. Une machine mécanique. Comme quelqu'un qui n'a pas compris. Qui s'identifie à sa pensée, qui a une identité psychologique, puis qui vit une névrose. C'est comme une machine, sa névrose. C'est mécanique. C'est de la mécanique. Si il n'y a pas moyen de soigner une névrose autrement qu'en intégrant les lois de la mécanique, faut qu'il avoie sa machine pour comprendre pourquoi elle ne marche pas comme il faut. Et la conscience, elle se construit là, en dehors de la machine. Un mécanicien, c'est en dehors de la machine, pas dedans, même si ça travaille dedans. Ça prend une vision d'ensemble, c'est-à-dire une perception du psychologique. Il y a une différence entre une perception psychologique puis une perception du psychologique. Étudier la conscience, avoir une conscience qui a de la conscience. Donc, il y a déjà une métaconscience qui se construit. C'est déjà beaucoup. Mais il reste que justement se mettre à devenir créatif, sortir de la programmation, donner des directions à l'énergie, au point où ceux qui sont dans la programmation ne pourront pas prévoir pour vous. Mais vous allez faire mieux que prévoir, vous allez voir. Tout est en germe là maintenant. C'est sûr qu'au début, ben, les premières pensées intelligentes qui nous viennent, c'est de la réalisation du fait qu'on n'est pas intelligent dans le fond. Psychologiquement. C'est sûr que c'est comme ça au début. Des fois, c'est dur. Ça brûle. Il faut que ça brûle. Il faut que ça fasse mal. C'est comme quand vous passez toute une nuit enfermé dans une pièce noire, puis qu'il fait jour dehors, puis vous ouvrez la porte, ça va faire mal. Les yeux nous plissent. Les vieux réflexes. Mais peu à peu, on peut s'habituer.